fou. C'est une pluie de phrases, toutes plus dingues les unes que les autres. Au bout d'une seule écoute, c'est reçu. Au fur et à mesure, j'écume le réseau. T'as cru peser lourd, c'est foutu, tenez-vous bien, coup dur. C'est tard de dire que t'es venu pour rien, déçu, c'est sûr. J'ai tous les scoops et je loupe rien. La soudure est toute fraîche, les mecs jouent, je les shoot en cours de route. Écoute bien, laissez-nous le temps de dire ce qui semble bon. Épuisant tes ondes de choc, est-ce que tu sens la puissance quand tu branches le son? On se moque de tes exploits, tu pèses que dalle. Sache que j'ai des faces tenaces envers tes messes basses. Laisse-moi faire face aux tas de gars qui rappliquent, non. J'éradique ces nazes, vitre passe, bonne sans cas de menace et m'active rap. Rapidement. C'est qui c'est K.E.R. Tu restes une vaste blague, un simple cadenas. Face à mes lames de fer, j'ai l'art de promettre l'impossible. Je m'associe qu'avec des gars qui froissent, tandis que tes batty boys multiplient comme des lymphocytes. On revient donner sa propre écoute. Oh, écoute. C'est du pur concentré, laisse-moi faire mon entrée. Remarque et tandis que certains veulent marquer l'histoire, je veux être en tête de classe et je parie qu'à terme j'arrive à faire que Marine vienne permanente. Je flaire la vie des fans, rêve de kicker ça sans faire la manche. Arrête, tu perds d'avance, l'addiction est trop aiguisée. Programme à long terme trop tard, j'annonce ton groupe est visé, prisé. Ma technique est inhumaine, le minute mètre sous forme de lexique qui t'excite. Ne cherche pas si tu perds, c'est juste que l'impact est trop fort. Au top depuis le commencement, mes mots offensent, mais ouf, j'en suis qu'au lancement. Écarte-toi cependant, je mets dans le vent tous les mecs nuls. C'est le nec plus ultra, vu ta grammaire, j'amène un test de lec. Non, tu sais que je me casse en 12. J'avoue, je rêve que l'argent coule à flot, pas pour des placements boursiers. C'est ça sans doute le talent d'être devant quand ça sent le broussi. J'ai fait les 400 coups, j'ai pas le temps pour tes calembours. Tu sais, c'est F-I-X-P-E-N. Tu vois de quoi on putain de parle.